C'est le matin, tout va de travers. Mal réveillé, tu désespères. Obligé de courir pour attraper ton train. T'aurais peut-être dû attendre le prochain. Les gens font la gueule dans ton compartiment. Y a des jours comme ça où tout le monde est mécontent. Alors ferme les yeux, oublie tout un instant. Concentre-toi sur elle et souris bêtement. Elle s'appelle Anatole. Elle est à la fois simple et drôle. Familière comme une vieille paire de grôles. 100 fois mieux qu'un verre de gnôle. Avec son côté un peu guignol. Ton moral elle rafistole. Ces 4 accords sortis du formol font que déjà tu rigoles. Ouvre la porte de ton bureau. Dis bonjour à ton chef, mais n'en fais pas trop. La machine à café est en panne encore. Ta productivité aujourd'hui ne battra pas de record. Encore 5 minutes avant de commencer. C'est quoi ton métier? Au fait, t'as encore oublié. Ça devait sûrement être passionnant. Avant de t'y remettre, pense à elle un moment. Elle s'appelle Anatole. Elle est à la fois simple et drôle. Familière comme une vieille paire de grôles. 100 fois mieux qu'un verre de gnôle. Avec son côté un peu guignol. Ton moral elle rafistole. Ces 4 accords sortis du formol font que déjà tu rigoles. La journée n'en finit pas de passer à la vitesse d'une tortue enrhumée. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mais pour aller nulle part, autant rester dans son coin. En sortant du boulot, une pause chez Canter. Que celui qui n'a jamais bu me jette la première bière. Avant de reprendre ton train de banlieue, où tu chantonneras en fermant les yeux. Ce petit refrain entendu 1000 fois qui te réconforte sans abîmer ton foie. Que tu emmènes avec toi partout où tu vas et que tu accompagnes parfois en claquant des doigts. Elle s'appelle Anatole. Elle est à la fois simple et drôle. Familière comme une vieille paire de grôles. 100 fois mieux qu'un verre de gnôle. Avec son côté un peu guignol. Ton moral elle rafistole. Ces 4 accords sortis du formol font que déjà tu rigoles. Quand t'en as plein les guiboles. Que tu viens de te prendre une torgnole. Que t'as perdu tes clés de bagnole. En même temps que le goût de la farandole. Si tu sniffes de la colle ou de l'éthanol. Que tu préfères à Vachol à De Gaulle. Que tu t'isoles tel un fol en sajole. Deviens campagnol et rentre dans le sol. Ou deviens rossignol et prends ton envol.